Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Charlotte. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée très spéciale, spécialiste de l'art, Zoé Zandotti. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons se pencher sur une grande figure féminine du XXe siècle. Exactement Zoé, mais est-ce que tu pourrais nous dire qui est cette femme libre, qui est cette femme engagée et visionnaire ? Eh bien, c'est l'architecte Charlotte Perriand, mon cher Maxime. Au-delà de l'esthétisme, ses engagements et réflexions résonnent aujourd'hui presque plus qu'hier, qu'ils concernent l'habitat, la place de la femme dans la société, l'environnement ou la politique. Née le 24 octobre 1903 à Paris, Charlotte Perriand entre à l'école de l'Union centrale des arts décoratifs en 1920, où elle en sort diplômée en 1925. Il me semble primordial d'évoquer quelques dates importantes de sa vie. Je suis d'accord avec vous, Zoé, et il me semble très important de revenir sur ces dates, notamment en 1927, quand elle entame sa collaboration avec Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret, mais également dans les années 40, donc elle est invitée en tant que conseillère en art industriel au Japon. C'est un voyage qui lui donnera goût du bois, de la paille, du bambou. Elle dit même s'être tatamisée, donc en effet, l'esprit du Japon accompagne sa réflexion sur l'organisation de l'espace jusqu'à sa mort. Et donc à son retour, elle reprend des recherches sur l'équipement collectif avec l'aménagement de la Cité internationale universitaire de Paris en 1952. Et de 1957 à 1958, elle aménage le Palais des Nations à Genève, siège européen de l'ONU. Après s'être penchée sur ces dates importantes, on pourrait quand même se demander quel est son style et quelle est sa démarche artistique. Eh oui Maxime, Charlotte Perriand est savoyarde. Elle randonne et elle est sensible au respect du paysage. Elle souhaite limiter l'impact de ses constructions sur lui. Donc pour elle, l'architecture et le design étaient avant tout destinés à faire accéder le plus grand nombre à la modernité. En effet, on peut aussi rajouter qu'elle se tourne vers les produits issus de l'industrie pour créer des designs accessibles, notamment le tuyau en métal qui me semble emblématique. Et par l'habitat, elle cherche à optimiser l'espace pour que le citoyen moyen puisse gagner en confort, donc que ce soit en vacances ou même à l'université. Oui, exactement. La jeune femme se fait rapidement remarquer avec son bar sous le toit, créé pour son appartement de la place Saint-Sulpice à Paris, que nous allons analyser plus profondément. Mon cher Maxime, pouvez-vous faire un zoom sur ce fameux bar ? Alors oui, comme vous avez dit, cette installation est vraiment l'apogée de sa carrière, ça a lancé sa carrière. Donc réalisée en 1927, c'est pour Perriand une véritable reproduction du hall de son appartement, donc situé à la place Saint-Sulpice à Paris. C'est un intérieur très moderne, elle représente un espace équipé d'un plateau de bar incurvé, de tabourets et d'un canapé, ainsi qu'une table basse. Le mobilier du bar en acier brillant fait sensation, tout autant que le fauteuil en cuir bleu, violet et rose. Sa carrière d'architecte-designer démarre véritablement avec le mobilier métallique qu'elle crée, qui lui vaut d'élogieuses critiques car Charlotte Perriand réussit à donner à cet espace une atmosphère à la fois luxueuse et décontractée. Cela représente bien du coup son courant avant-gardiste. Et donc en effet, en rejetant les préceptes des arts décoratifs dénoncés comme survivance du passé, les créateurs de l'époque expriment des matériaux modernes, industriels, comme les toiles vendues, les nouveaux bois contreplaqués. Donc voilà pour cette brève analyse. Maintenant, Zoé, j'aimerais bien que vous nous expliquiez une autre œuvre emblématique de sa personne. Pas de souci, Maxime. On va se concentrer sur une autre de ses créations spécifiques, qui est la cuisine à l'américaine, ou la cuisine ouverte. En effet, difficile aujourd'hui de louer un appartement à Paris qui ne soit équipé d'une cuisine américaine, une cuisine ouverte sur le séjour, délimitée par un muret, bar, passe-plat, qui masque le plan de travail et tout l'équipement électroménager, serré à l'ombre de la haute, quelques mètres carrés sans fenêtre sur l'extérieur et avec tout à portée de main. C'est forcément bien puisque c'est américain. Erreur. La cuisine ouverte ou semi-ouverte a été créée en 1949 par Le Corbusier pour les appartements en duplex de la cité radieuse de Marseille. Elle a en effet été imaginée et dessinée par Charlotte Perriand, pour qui la ménagère qui constitue le centre du foyer ne devrait pas être reléguée dans un coin assez... Excusez-moi, faites taire le public s'il vous plaît. Je vous laisse reprendre Zoé, désolé. Oui, donc je disais... pour qui la ménagère qui constitue le centre du foyer ne devrait pas être reléguée dans un coin à ses tâches et devait pouvoir communiquer avec ses amis et sa famille. La cuisine équipée se compose d'un plan de travail, de placards, de rangements en bois, laqués et recouverts de formica de couleurs vives, jaunes, en bleu, rouge, jaune, vert, etc. L'électroménager intégré comprend la cuisinière, le frigidaire, le lave-vaisselle. Les meubles comme le buffet Mado sont typiques de formes simples aux angles arrondis. Eh bien écoutez, merci Zoé pour cette analyse. C'est fini pour nous. J'espère que vous savez tout de Charlotte Perriand maintenant. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci Zoé. Au revoir à tous. Au revoir.